T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as Boston. Yeah, let's see. Une heure au sud, est en ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, ça commence maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Planète Indie, ça commence maintenant. On en est à l'épisode numéro 357. Soyez les bienvenus. Je ne vais pas faire de long préambule pour commencer cette émission parce qu'on a un programme assez chargé pour aujourd'hui. Et il y a toujours le meilleur de la musique, bien évidemment. On va aussi parler un petit peu et beaucoup du festival Luxembourg Film Festival, donc anciennement connu sous le nom de Discovery Zone. Ils ont changé de nom. Il va commencer fin du mois, donc on va en parler un petit peu, voir un peu le programme. On avait prévu aussi une interview radiophonique avec une artiste, mais elle n'est pas facilement joignable parce qu'elle est en tournée. Et elle est probablement en train de préparer son spectacle de ce soir, donc ça c'est sous réserve, on verra bien. Et puis donc toujours le meilleur de la musique. Et je vous propose donc de commencer sans plus tarder cet épisode numéro 357 avec un groupe qu'on avait découvert le mois dernier. Il s'appelle les Pink Dust, la poussière rose. Et on les écoute avec le morceau qui s'intitule Drowning in Sand, se noyer dans le sable. Bon début de soirée, restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 18h30. Trapped by inertia again, so little fair, take each choice only real, I guess in a mint. Can't pretend I'll get that far in my search for what's true. Can I run away with you? Thank you. for a walk in the park. But my opponent was big as a shark. One fist of iron and the other of rock. Said nice to meet you, I heard you're a cock. He grinned at my face, looking down from 6 feet. Said I'd smash up your body, throw it out in the street. What's up with this guy? He's making me piss. Out of the blue came that iron clad fist. I was still down at 7, as far as hell from heaven. Lying there waiting for the referee. I was still down at 7, as far as hell from heaven. Better try to get up ASAP. Started stepping around, making all kinds of moves. All this dancing and twisting, what do I think it proves? If I get hit again, it's the end of this fight. Better use my head, better start to be right. Well, I can do this if I move to the left. This is my position, I'll accuse him of theft. Won't go to the right, didn't like his left hand. Just have to move fast, and I had this guy again. I was still down at 7, as far as hell from heaven. Lying there waiting for the referee. I was still down at 7, as far as hell from heaven. Better try to get up ASAP. Okay. Is the champ, but what do you know? Just because he's a pretty good gamer doesn't mean in real life I won't prove him a lamer. I dance to the left, jump up in the air. He was trying to get me, wouldn't start to play fair. I punched on his nose and he started to moan. Down from below came the flipping stone. I was still down at 7, as far as hell from heaven. Lying there waiting for the referee. I was still down at 7, I swear I heard 11. Better call my agent ASAP. I was still down at 7, as far as hell from heaven. Lying there waiting for the referee. I was still down at 7, I swear I heard 11. Better call my agent. À l'instant dans vos oreilles, un extrait du nouvel EP de Bonefish. Bonefish, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était d'un de nos powerplays au cours de l'année 2014. Là, ils reviennent avec un EP 4 titres plus 4 bonus. Et oui, rien de moins que ça, c'est presque un album complet. On les écoutait donc avec Still Down at 7. Et voilà, c'est la piste numéro 2 de cet EP. Comme ça, vous savez tout. D'ici quelques minutes, eh bien, comme vous le savez, nous partirons à la découverte de notre album Powerplay, un groupe dont qu'on a déjà écouté un tout petit peu, mais on va les découvrir un peu plus. Ce sera les Cardboard Crowns, pardon. Et là, tout de suite, on va écouter Next Rock Generation. Bah oui, c'est prometteur comme nom de groupe, avec Blues in the First Room. Et puis après, on écoutera The Imperfection, encore une nouveauté. Et le morceau s'intitule quant à lui Welcome to Neverland. It's so fucking sad when you're alone. No one to call, nowhere to go. So goddamn empty in your soul. No one who cares. No one who knows why the cages some disease.

your moment. Time goes forward, stay and have a sniff. Let's dream about the future. Pretending, pretending you're wasting your spending just one more day, day, day, day. Pretending, pretending you're wasting your spending, it doesn't work that way. Oh no. Alright, say what you want now. Say what you want now. Say for how long are you dreaming, my friend? Welcome to Neverland. Welcome to Neverland. Say for how long are you dreaming, my friend? Welcome to Neverland. Welcome to Neverland. Pretending, pretending you're wasting your spending just one more. Pretending, pretending you're wasting your spending, it doesn't work that way. It's too much pressure for you. You've got no time to be true to yourself, yeah. Voilà, donc à l'instant dans vos oreilles, The Imperfection, c'est une autre nouveauté. On les écoutait avec Welcome to Neverland. Pardon, excusez-moi. Welcome to Neverland. Et puis avant cela, c'était le groupe Next Rock Generation, Blues in the First Room. Avant de passer à notre CD Powerplay, les Canadiens de Cardboard Crowns. On va encore écouter les Kings of the Cramps et Joyful Noise. Well, I had a friend who married young and he had some kids and he worked real hard. Well, he never did work very much away. Worked his ass off every day. Never worried much about hell to pay, but oh, baby, Jomo. When he died at 55, his wife, she cried and cried and missed his great big smile out 100 miles wide. Well, she laughed thinking what he had said. One of these days you're gonna wake up dead. He waked it up and his dead. Everybody's got their own voice in the choir. All young and old, don't experience the wild. Real fat boy, and you gotta stop the beat. Raise your voice, oh, make a joyful noise. Voilà, désolé, le temps nous presse, mais on est déjà un petit peu en retard sur le programme, donc on va couper un peu le morceau et passer à la suite avec notre powerplay, le Cardboard Crown. C'est un groupe de ska beat, de reggae, punk rock, originaire de Elmer dans le Québec. Et puis c'est un groupe qui est assez récent, qui s'est formé d'abord autour d'un duo qui s'est rencontré dans les premières années d'université, on va dire. Vous imaginez bien le genre de gars que c'était, avec des longs cheveux, qui jouait de la guitare un peu n'importe comment et avec un peu n'importe quels instruments. Ils faisaient un peu de l'expérimentation. Ils ont formé à ce niveau-là trois groupes garage, on va dire, les Mad Fizz, les Fog Pilots et puis un autre groupe qui s'appelait The Rocket Propelled Space Fish. Ouais, oui, ça ne s'invente pas. Hein. Et puis c'est devenu les Cardboard Crowns, le thème de leur chanson, c'est souvent l'injustice sociale. Eh bien, je vous propose d'en écouter un premier extrait. On va écouter Joyful No, c'est ce qu'on écoute à l'instant, pardon. On va écouter Hats Off. L'album s'appelle Global Citizen, je vous rappelle leur nom. Je vais essayer de les prononcer au moins une fois correctement. The Cardboard Crowns. C'est notre powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Powerplay. So I guess I must confess, I seldom call and often waste my time around you. Yes, it's true, I'm not the best at singing songs and all the rest, but at least this one's about you. When we started playing shows, backyard parties we had thrown when no one else had come, yet you're the ones we'd sing to. Hats off, you made my every day, and I can't lie, I know I don't deserve your dedication, till you serve it with elation in your eyes. This one's for mom and dad, you know I love you guys. Next I'm talking on my phone, or I'm on the bus and you're all alone. You pay my way, but still you're waiting. Got a real job, I'm a full-time unemployed musician, and the evening light is waning. When I get to hold your hand, I'm the luckiest damn man. I get to say see her, yeah, she's the one I sing to. Hats off, you made my every day, and I can't lie, I know I don't your dedication, till you serve it with elation in your eyes. This one's for mom and dad, you know I love you guys. In the early days, all the hell we raised for parents and neighbors. Who are they to say they'll never see the day? At last the practice beats the paper. We'll be right back. ambiance légèrement samedi soir avec Classy Silhouette, I Wanna Kiss You. Évidemment, c'est encore une nouveauté dans la programmation. Je vous ai parlé du programme du Lux Film Fest, c'est-à-dire le nouveau nom du Discovery Zone, le festival du film de Luxembourg, de la ville de Luxembourg. La conférence de presse s'est tenue cette semaine et on a eu quelques informations, notamment le nom du film d'ouverture, ce sera Big Eyes avec Tim Burton notamment. Et puis au niveau de la compétition officielle, il y a pas mal de bonnes choses. Qu'est-ce qu'on peut signaler ? On aura notamment un film kosovar, candidat aux Oscars, qui s'appelle Three Windows and a Hanging. On aura un film letton qui s'appelle Rocks in My Pocket, ou un film bulgare de Lesson. Ça, c'est pour l'Europe de l'Est. Un film de Suzanne Beer avec Second Chance. Et puis Jafar Panahi, là, ce fameux réalisateur iranien interdit dans son pays, mais qui continue à tourner. Il s'est transformé en chauffeur de taxi, puisque son film s'appelle Taxi. Il y aura un film grec qui s'appelle Blast. Et puis encore un autre film plutôt d'Amérique sud-américaine, Refugiado. Ça, c'est entre autres pour la programmation, la compétition officielle. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans la programmation de cette année, c'est la compétition documentaire. On en reparle d'ici quelques minutes, mais là, on poursuit en musique avec une artiste québécoise. Elle s'appelle Marie Laurence. Elle nous interprète « Je suis toi ». Tu me montres ce nouveau chemin. Une autre nouveauté dans vos oreilles avec Opso Black, c'est son nom, et un morceau intitulé Story About How. About How What? On n'en sait encore rien, il fallait écouter les paroles. Avant cela, je vous rappelle, c'était Marie Laurence et Je suis toi. Je vous rappelle aussi que nous sommes ensemble jusqu'à 18h30, comme chaque premier samedi du mois, c'est Planète Indie pour vous faire découvrir le meilleur de la musique indépendante et de la musique alternative. Nous sommes ensemble chaque premier samedi du mois, donc nous serons aussi rediffusés demain aux mêmes heures sur cette même fréquence, donc demain entre 17h et 18h30. Il est pour l'heure 17h41. On est pile poil à peu près, on va dire, au milieu de la programmation. Dans quelques minutes, et 3 minutes exactement, 3 minutes 57, nous repartirons sur l'album des Cardboard Crowns, leur album Global Citizen. Avant cela, je vous propose d'écouter encore le groupe After Them avec... une caméra cachée, bah à la radio c'est pas évident, alors on va la laisser le chanter. Hidden Cameras, le groupe After Them. Mmh. After Them, Hidden Cameras, retour sur la bio des Cardboard Crowns. Je vous avais dit tout à l'heure eh bien, qu'ils étaient, leur thème préféré c'était souvent la colère contre l'injustice sociale, mais aussi le fait eh bien, de se sentir plutôt un citoyen du monde plutôt qu'un citoyen de tel ou tel endroit, et c'est ça qu'ils veulent aussi faire passer à travers leurs chansons, d'où aussi le titre Global Citizen, qui peut se traduire bon, littéralement, c'est citoyen global, mais ça veut dire surtout eh bien, citoyen du monde avant tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau de leurs influences? Eh bien, ils citent eux-mêmes des groupes totalement inconnus, oui, enfin, en tout cas de moi, de ma part, Toots and the Marshall, Matt Maytals, Sublime, Planet Smashers ou Against Me. Bon, je sais pas, moi personnellement, je les connais pas spécialement. Leurs objectifs pour 2015, eh bien, c'est rien de moins que faire un changement positif pour le monde. Bah oui, et d'embarquer donc les gens dans leur aventure musicale. Eh bien, l'aventure musicale pour eux, eh bien, elle se poursuit chez nous avec ce morceau Generation. Et je vous rappelle donc le titre de l'album Global Citizen des Cardboard Crowns. Puis je vais essayer de vous trouver une vidéo à mettre sur la page Facebook de Planète Indie. Power play. Power play. Fathers onto a new one. secrets they pound at the back of her lips. They pound at the back of her dreams were so much bitter. She couldn't pretend to be anything we can't be. All but empty cases, pretending we're anything but what our parents have been. Despite the fact that he hasn't bought anything, he'll man up with a picture. He's coming back home now, his hands tightly balled up as fists are so much better. Cause he can pretend to be anything he can't be. All but empty cases, pretending he's anything but what his parents have. That's not to say she was raising them anyway. Nonetheless, she feels empty. She's screaming her secrets, they've blown out the back of her lips. Street, so your hearts need to be. étiez avec nous le mois dernier, eh bien, vous avez peut-être reconnu The Armory, ce groupe nouveau venu. On les écoutait avec Young Hearts. 17h53, on va reparler un peu de la programmation du Lux Film Fest. Je vous parlais tout à l'heure de la compétition documentaire. Je trouvais qu'elle était particulièrement intéressante cette année. Pour vous en parler plic-ploc comme ça, The Look of Silence, c'est un documentaire choc qui parle de la purge anti-communiste en Indonésie. Dans un tout autre registre, vous pourrez voir Pervert Park, c'est un documentaire qui parle eh bien, des ghettos qui se forment quelque part aux États-Unis ou bien où tous les gens qui ont été condamnés pour des abus sexuels se retrouvent et vivent quelque part ensemble parce qu'il y a notamment des applications smartphones et tout ça qui permettent de les localiser, donc quelque part un peu pour se protéger et pour ils s'isolent ensemble dans des sortes de ghettos où ils se retrouvent tous ensemble. Donc ça a l'air assez intéressant parce que ça leur donne aussi la parole pour avoir un peu leur vie. Vision des choses de Joe Shaw qui a suivi le shérif Randy Murray qui se définit lui-même comme le shérif le plus dur des États-Unis. Le documentariste l'a suivi pendant une période de 7 ans et puis ne manquez pas non plus les Pixadores, c'est un film qui raconte un peu les exploits de certains casse-cou originaires des favelas au Brésil, parce que au Brésil ils ont supprimé les publicités dans les grandes publicités des grands panneaux publicitaires. Et ils sont donc devenus vides et puis c'est bien ces Pixadores, ils grimpent dessus dans des positions tout à fait incroyables et puis ils font des dessins. Voilà, c'est assez étonnant. Et puis on parle aussi du documentaire War of Lies. Je serais curieux de le voir, qui attribue en fait la guerre en Irak au témoignage d'un réfugié irakien qui se disait chimiste. Et quand il s'est présenté à l'immigration en Allemagne, on a dit chimiste irakien, et puis il a prétendu qu'il y avait des armes. Et voilà, donc la théorie serait que la guerre en Irak serait partie des mensonges de cet homme. Voilà, donc ça c'est le documentaire qui s'appelle War of Lies. On va reparler encore un peu plus longuement après de la suite de la programmation et des événements associés au Lux Film Fest. Je vous donne aussi leur adresse internet www.luxfilmfest.lu, comme ça vous pouvez déjà aller voir un peu ce qui s'y passe. Ça change beaucoup parce que la programmation et la grille horaire n'est pas encore complètement fixée, donc n'hésitez pas à aller voir assez souvent. On devait avoir aussi en interview téléphonique Jude Johnston, mais comme je vous l'ai dit, eh bien, elle prépare son concert de ce soir aux Pays-Bas, donc probablement qu'elle n'a pas eu l'occasion de nous parler, elle est trop occupée, donc c'est pas grave, ce sera peut-être pour une autre fois. On va quand même l'écouter avec le morceau The Underground Man, cet extrait de l'album eh bien, qui sert de support à cette tournée. L'album s'intitule Shatter et on écoute donc The Underground Man. C'est un peu plus calme que ce qu'on vient d'entendre. The Underground Man, he lives in a corner. He's sudden, he's right, and the whole world is wrong. The underground man has a nagging affliction. He'll drag you down with him if you come along. The underground man. Have hope. It's your life, babe. You can live it the way you wanna do. It's your life, babe. You can live it the way you wanna do. The pleasures and the pain. All up to you. It's my life, babe. Let me live it the way I wanna do. It's my life, babe. Let me live it the way I wanna do. Let me give it all to you. Let me live the way I'm supposed to. Let me live the way I'm supposed to do. Searching for more, a chance to open the door to not certain. So take control of your past and build a future that lasts. People fighting, people they misunderstand. Keep on trying, raise their voice and take a stand. We all move on, encore une nouveauté dans votre émission préférée, je l'espère en tout cas. Voilà, retour sur notre album Powerplay, on va terminer un peu en boulet de canon. L'album des Cardboard Crowns, ils sont sur la photo avec une couronne en carton, c'est un peu le thème de du nom de leur groupe. Et ils racontent une petite anecdote à ce sujet, puisqu'ils invitaient aussi les gens à aller au concert vêtus, enfin portant aussi une couronne en carton sur leur tête, et pour ça ils leur offraient des réductions sur le ticket d'entrée. Donc finalement ils ont vu débouler tout un public vêtu de ces couronnes de rois mages ou enfin faites à maison, et il y avait 36 sortes, 36 thèmes sur ces couronnes. Je vous rappelle donc leur nom, des Cardboard Crowns. Ils ont un site internet www.thecardboardcrowns.com, si je ne m'abuse. Et puis bon, l'album s'appelle Global Citizens. On en a extrait un troisième morceau pour ce soir, Bounty on His Head. C'est notre Power Play aujourd'hui dans Planet Indie. Power Play. Power Play. I'd see a million. swings way too late as the killing blow is dealt. And when the lips of men from their beds repent, it's not really how they felt. Because the keen ones know that the rich ones owe their fortunes to the dead. And that the cash that flows from the dead man's bones is twice the bounty on his head. The bounty on his head. Yeah, yeah, yeah, yeah. It's on his head. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh. It's on his head. C'est le nouveau projet de Bruce Morland, ça s'appelle Raven Smallland, Occupy the Earth. Et nous, on en écoutait Accumulated Power. C'est un peu éclectique cette fin d'émission, j'en suis désolé, mais je vous parle encore quelques minutes, quelques secondes du Lux Film Fest. Au niveau du jury, il y aura notamment parmi le jury Stéphane Bern, ben oui, qui sera à Luxembourg. Les tickets, eh bien, les projections se feront au Ciné Utopia, à la Cinémathèque et à l'Utopolis notamment. Il y aura des événements hors les murs aussi. Les places de cinéma, bah, vous allez les acheter pour les séances, ou alors on vous conseille d'acheter un pass au prix de 20€ qui vous donne accès à tout, pratiquement tout. Il y aura pas mal d'événements, il y aura une soirée pour les 20 ans, le 20e anniversaire de la maison de production Tarantula. Enfin bon, il y a pas mal de choses qui sont prévues. N'hésitez pas à aller voir sur le site, on vous mettra l'adresse aussi sur la page Facebook de Planète Indie. Il y a notamment aussi un film iranien, un film d'horreur hors compétition qui s'appelle A Girl's Walks Night Alone. Je vais essayer de vous mettre la bande-annonce, vous allez voir, n'hésitez pas. C'est pas mal, ça a l'air assez intéressant. C'est un film de vampire, voilà. Donc, faut avoir un peu de curiosité, c'est ce qu'on a, nous, dans cette émission. On poursuit en musique avec New Day in August et le morceau Shattered. About the On a encore quelques minutes à passer ensemble, alors j'en profite à l'arrache pour vous parler des concerts qui vont se passer à la Rocale. Le 11 février, Motorama, le 13, le festival Philharmonoise, c'est du métal qui se passe à la Philharmonie. Le 14, vous pouvez fêter la fin Saint-Valentin avec Freeze Festival, c'est le Freeze Festival. Le 15 février, le Milky Chance European Tour 2015. Le 24 février, Natas Loves You. Il y a Julien Doré, mais si vous n'avez pas de ticket, c'est foutu, il n'y a plus de place. Le 28, Too Many DJs. Le 2 mars, Martin Rutter. Le 3 mars, All We Are, entrée gratuite. Le 5 mars, alors là, à ne pas rater, Within Temptation. Et le 6 mars, l'album release de Corby. Et puis le 7, ce sera Cats on Trees. Là, on écoute Bran Crusher et Greenville Avenue. On va terminer en douceur. The wind blows cold tonight down Greenville Avenue. It's warm inside. Under the neon light, familiar friend or two I like to hide. But it's not the same tonight. Oh, something's not right. Missing you. I raise my glass again to clear my mind. It won't, but I'll pretend. Smile, raise a toast to friends. I'm so together when your friend's walking. But it's not the same tonight. Oh, something's not right. I'm missing you. I'm the life of the party, but I feel like I'm dying. Tell me, what am I supposed to do? Yeah, I fill up on whiskey and pretend I'm not empty, hiding out on Greenville Avenue. Tonight, down Greenville Avenue, it's cold inside. Under the closing lights, I catch a glimpse of you, and nothing's fine. But it's just the same tonight. Oh, and it's never right, 'cause I'm missing you, and that's all I can do. And I'm the life of the party, but I feel like I'm dying. Tell me, what am I supposed to do? So I fill up on whiskey and pretend I'm not empty, hiding out on Greenville Avenue. Yeah, I fill up on whiskey. Oh my God, I'm so empty, hiding out on Greenville Avenue. Bien voilà, on va terminer cette émission en douceur. À l'instant, c'était Bran Crusher avec Greenville Avenue. On va se quitter avec Katy Garibaldi et Close, Close, Close. J'étais très heureux de passer ce début de soirée en votre compagnie. Je vous retrouve pour le prochain épisode, le numéro 358. Ça se passera le 7 mars. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée demain, à 17h, de 17h à 18h30. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, et puis je vous retrouverai avec plaisir dans un mois pour un nouvel épisode. Bon week-end, à bientôt. Stress of the day starts to wear on my face. You're my pillow where I can rest my head. Hey, say you'll stay. This is like living while dreaming. I need you close, close.